1. La nouvelle génération montante de corbeilles. SG, la nacelle. Goulka, mon conseil. Espion, Tarteret. Ouais. Je me lance sur le beat comme un lion sur sa proie chez nous. Les forts mordent, les faibles sont aux abois. Je rappe à l'état brut, je pose pour la mixtape de Black Brut. Pas chez moi, dans chaque écart, tu verras que les blacks scrutent. On se comporte comme des carnivores, mais beaucoup graillent des patates. D'autres se mangent des carottes pendant que les bitches raillent des bananes. Moi c'est SGMC, je représente la nacelle. Viens faire un tour au favel si t'aimes les queues, mademoiselle. Un pas de flow, t'es mal si tu testes. T'es mal, fuck les brocs et les porcs, yeah, j'emmerde le code pénal. Pélec où tu tapes la démarche pour un rien, on te démarre. MDH des autres, on se démarque. Nos coups, on laisse des marques. Prêt à tout pour quelques billets. Chez nous, ça ne fait que piller. C'est la guerre entre quartiers. Pas le time de roupiller. Une odeur de boulet dans l'air. Tout le monde se la fait à l'envers. Corbeille et sonne ma zone. Une ambiance chaude proche de l'enfer. Hey, lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre, mais au fond, on s'aime tous à Corbeille. Lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre, mais au fond, on s'aime tous à Corbeille. Goulka, Chris, Blue Magic et SF, PDG cru comme Pernel. J'suis chaud pour un 187. J'ai les couilles pour pas refuser un tête à tête. La place de Tcheka. Quand elle est cup, moi j'caillasse, y'a pas, j'vais m'checka. Sur la gueule de Serge, je checkera. Mon cerveau a pris une tarte depuis l'époque du D4. C'est comme si MSA faisait de la bécane, une crête à la Beckham. Omega Alpha, comme Zilao et Masta. Les barrettes de pas qui parfument mon hall comme Gucci et Versace, mon gars. Les polos viennent chercher leur bout. T'es mort dans le film comme Manny si t'essayes de pêcher ma russe. Si tu manques de respect à ma rum, une Nike dans la gueule. Le checker te bute comme Keita ou développé. Dealer cru, moi je suis pas dopé. Pour une cagoule à mettre, une banane à mettre. Ou aller chercher des SNN, Corbeille. Hey, lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre mais au fond on s'aime tous à Corbeille. Lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre mais au fond on s'aime tous à Corbeille. Il godingue maintenant depuis 3 piges. C'était Zed illicite, capiche. C'est Corbeille et son nom sonou. T'inquiète chez nous y'a que des sons lourds. J'suis pas encore qu'avec les autres MC sont à bout de souffle. 9-1-9-1, si sur Paris qu'on fout le souk. J'débarque, je rends pas triste pour pas finir à rifler. T'appelles ça rapper depuis 2009 on fout le feu. On bat les couilles que t'aimes pas tant que les fronts nous kiffent. On percera les filets de n'importe quelle équipe. Fallait que le fasse en faille, faille, faille, les feux défendus. T'inquiète à force de forcer, on percera les pendules. J'ai chargé les guns, c'est le zoo, c'est pas comme ton. Cache les murs, RL, popo, quand les cops. 2-0-1-1-1-1-1. T'es dit laissé tourner beaucoup, mon fait qu'un cas. J'suis pas Tintin, j'suis mis homme Milo. Igo dingue volume 2, c'est sûr, tu l'oses. On fait bouger les foules et les salles sans catégorie. T'es dit laissé comme back pour ça, j'ai catégorie. Il fallait pas que je perds la forme, je perds le fil. La force des défauts, c'est des 8h du mat. Sur Upstop Fire, putain, j'fous le fire. Passe-moi le drone d'ailleurs. La vie est dure, mais j'baisse pas les pas comme Tom Sawyer. J'suis africain, donc j'réagis au son du tam tam. J'taille quand la police stock parce que ça fait tam tam. T'as parlé de mon 2, Igo dégage, j'ai pas mon point. Ton flux est à la ramage, moi t'es pas rare sur un Fenwick. Toujours un même mic, faut que l'état nous délaisse. On veut des loups pour le théorème de Thalès. 2-0-1, c'est la jungle, jungle. T'accumules les soucis, t'en deviens dingue, dingue. Hey, lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre, mais au fond, on s'aime tous à Corbeille. Lève ton pas en l'air si tu viens de Corbeille. Jette-moi de l'épaule si tu viens de Corbeille. T'as forcément entendu parler de Corbeille. On se fait la guerre, mais au fond, on s'aime tous à Corbeille. SF en tête de cortège. Génération montante de Corbeille. À la selle, Tarteret, Pépinière. Mon conseil, l'Ermitage, CVC, Terre-Terre. Moulin Galant, la poterie. Les allées, la N7, la gare. Toutes les rues, tous les coins de ma ville, Corbeille. 80 au 100, dans tes oreilles.